la pèse. La pèse. La pèse pèse. Ouh. Comme un pote à moi. Mais apparemment ça craint en ce moment. Enfin, ces derniers temps. Dernier temps, temps. De temps en temps, la pèse pèse. Je te dis un texte, t'es. Tu testes. Sur WeTransfer, on peut se la faire. Je me tiens de tous ces liens de lecture, latents se mal cerner et déchirer les simples phases. Phrases nommées aux chiffres mal égarés. Au nombre promis et crié de bien trop tard, mal interprété. Interprété comme bon mensonge. À revenir à l'an dernier, l'envoyeur sera pâlé, passé, pesé. De ses sonnettes, pas frise, et tant pas être juste protégé, son triste passé, préféré, rien ne vaut. Comme si. Thank you. pas sourd, pas lourd. Apnée conscient, besoin de sortir. Les mains fripées, pleurer, respire. Quand tu es né, c'est déjà fait. Jour pas prévu, je dois rester dans l'eau léger. Controverser les eaux, les mots. Les eaux, les mots sont pas pesés. Un mot, un sexe, t'es exaucé. L'orgasme, un jour sera le fruit. Amour qui rit, n'est pas ton choix. Encore sont les minutes comptées. Je suis en apnée. Deux fois la vie m'avait donné. Plus vivre en toi, je suis débranché. Le vent m'enrhume. Je suis sorti, je pleure, ça y est. J'ai respiré. Le tonnerre gronde pour l'exprimer. Ma place est faite dans le monde entier. Alors j'apprends à oublier. Le temps s'écoule, les jours comptés. Que cela, que seul dans l'eau, je me rappelle, je sais nager. Comme on rappelle les rêves anciens, aucune contrainte avant de rêver. Des souvenirs, encore une fois, que le avant, c'était pas pire. Où je me rappelle, abandonné, ou bien perdu, aventurier. La terre finit par retrouver. Trouver la direction de l'eau pour donner à l'air, créer du tonnerre, savoir respirer sous l'eau, et se rappeler que la baignoire est là pour se noyer, afin de refaire le cycle du recommencement, réincarnation. Ça craint, tu peux l'enlever. Entre l'apnée, l'air du temps, cycle du. Claque mes mains à la surface, l'horizon, pellicule de tanin. Perdre le temps, rappelle-toi, c'est certain, de cette vibration vécue et rappelle-toi. Combien de temps tu peux rester sous l'eau? Combien de fois tu peux? Combien de fois tu te rappelles? Comment nous étions bien dans le ventre de sa mère? Ridicule de sentir la brume me refroidit, je me brûle, je me noie. J'ai plus d'air. La vibration d'un souvenir perdu que tout le monde a vécu. Je me déchire, je me débranche. Pause.